À 6 heures. À 6 heures, vous allez à l'atelier à 7 heures. Hein. Alors vous travaillez à midi, vous cassiez la croûte là-bas? Non, ou... non, je revenais manger. Vous revenez manger? Ah oui, on avait une heure. Hein. Ah, ouais, en dernier, on avait une heure et demie, on travaillait qu'à une heure et demie. Et, oui. Et le soir, alors vous sortiez à 6 heures? Oui. Et puis vous rentriez directement? Je rentrais chez moi, je me mettais à travailler jusqu'à 8 heures, je mangeais, et puis si vous essayez de manger, je retravaillais jusqu'à 10 heures, 11 heures, minuit. Toute ma vie a été comme ça. Et